Bien sûr, Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et oui, vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique, le magazine culturel qui passe du coq à l'âne en direct sur le 94 FM à Toulouse, ou en streaming, où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Il est 18h, il vient de passer à 18h00. Nous sommes jeudi 18 octobre, derrière la vie de François et Thomas sont à la réalisation technique de l'émission. Merci messieurs, on est ensemble jusqu'à 19h, dans Rien à voir quoique. Chaque année depuis 2015, la résidence 1 plus 2 rassemble trois photographes, un photographe de renom et deux jeunes photographes, d'où le nom de la résidence 1 plus 2, et trois supports, une exposition, un coffret de trois ouvrages et un documentaire. Durant les deux mois de résidence, les trois artistes photographes, cette année Smith, Camille Carbonara, et Prunefi posent leur regard d'auteur et produisent une création artistique inédite en partageant leur savoir respectif. La mission de la résidence est, je cite, de produire, de valoriser, de promouvoir une photographie d'auteur en lien étroit avec un patrimoine scientifique exceptionnel sur le territoire. L'exposition est à découvrir jusqu'au 30 novembre à la galerie Barré-Rivet, 1 place Sainte-Scarbe. Ça, si j'ai beaucoup de mal à le dire, ce genre de Scarbe, du mercredi au samedi de 14h30 à 19h. La résidence est labellisée ESOF 2018, puisque Toulouse a été choisie Cité européenne de la science en 2018. Et pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Philippe Guillonny, directeur de la résidence 1 plus 2. Bonsoir Philippe Guillonny. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios. Alors vous êtes historien. Et oui. De formation, et oui. Vous êtes aussi membre de l'agence Myop depuis 2009. Votre travail est représenté par la galerie Polka à Paris. Vous êtes enseignant alors à l'ETPA, l'école supérieure de photographie, et aussi de game design à Toulouse. Vous êtes aussi maître de conférences aux rencontres photographiques d'Arles depuis 2012. Ça fait 8 ans. 12, ouais, c'est ça. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et aussi donc directeur artistique de la résidence 1 plus 2. Et ça, ça fait, c'est la troisième année. Et ça fait beaucoup. C'est ma question. C'est beaucoup pour un seul homme. C'est beaucoup pour un seul homme, mais en même temps, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et moi, j'y vois du sens. J'y vois une circulation des idées et passer de l'idée à la réalisation. Donc pour moi, toutes ces casquettes font sens. Créer, accompagner, diriger, raconter, pour moi, c'est plusieurs facettes de la même histoire qui est liée à la photographie. Vous avez le temps de faire des photos pendant tout ça? Oui. Et bah, plus tard que demain, je repars au Mali dans quelques semaines. Et maintenant, je suis plus du coup dans peut-être le choix et une organisation quasiment parfaite, en tout cas du timing qui est de plus en plus serré, mais bien évidemment, et d'ailleurs, même avec la résidence 1 plus 2, on va en parler, je ne veux pas du tout quitter les réalités du terrain. Et j'ai besoin de me nourrir, de vivre des expériences pour pouvoir aussi accompagner celles des autres. Vous dites, je cite, revendiquer une photographie documentaire autour des thèmes de la mémoire et des constructions identitaires. Qu'est-ce que la photo documentaire? Alors là, on est du coup dans mon parcours personnel. C'est vrai que vous l'avez dit, moi je viens de l'histoire géographie. Donc l'histoire, c'est la réflexion sur le temps qui passe. La géographie, c'est la réflexion sur l'espace. Et la photographie documentaire, c'est un mouvement, je trouve, visuel entre l'un et l'autre. Raconter des histoires d'hommes et de femmes sur un territoire, l'histoire et l'espace, et apporter une information, apporter une documentation, et surtout apporter un parti pris, un regard sûr. Je suis historien et moi je m'étais spécialisé très tôt quand je suis arrivé à Toulouse en 1990 sur l'histoire de l'Afrique contemporaine. Donc l'Afrique reste en filigrane de toute ma vie de photographe et documentaire parce que c'est documenter la vie des hommes et y apporter un regard subjectif forcément et essayer parfois d'appuyer là où ça fait mal ou de montrer une réalité méconnue autrement et s'inviter dans la mémoire des hommes. C'est versus la photographie artistique pure Moi, je n'ai pas envie d'opposer. Encore une fois, l'idée, c'est de trouver juste une adéquation entre le fond et la forme. Alors, ça peut être une photographie documentaire, plus réaliste. Ça peut être une photographie plus plasticienne, qui peut-être part du concept et donne à voir autrement. Je pense que peu importe, l'idée c'est être à l'aise dans ce qu'on fait. Moi, il y a trop d'étiquettes que l'on pose aux gens dans le monde culturel et dans mon milieu photographique pour. Et du coup, je refuse de m'inscrire dans telle ou telle chapelle. L'idée c'est être à l'aise dans ce qu'on fait. Et donc, c'est une photographie documentaire au sens large, ouverte sur le monde et qui essaie de proposer, de donner à voir. Et le reste du chemin, c'est celles et ceux qui regardent les images qui le font. Comment vous êtes venu à la photographie ? C'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Ça aussi, j'aime bien cette idée-là. C'est un parcours, c'est une expérience. Moi, je suis venu à Toulouse pour footballeur professionnel. C'était un rêve d'adolescent qui a failli avoir lieu. Je crois qu'il m'a manqué, comme on dit, le dernier petit coup de rein dans un milieu où je connaissais personne et dans un milieu assez dur au niveau des relations humaines. Et puis après, j'ai tout de suite basculé à l'université Jean Jaurès. À l'époque, on disait le Mirail, parce que ma deuxième passion, c'était l'histoire-géographie. Et c'est parti comme ça. Et puis, je suis allé jusqu'au bout des études, en commençant un travail de recherche, en allant jusqu'à l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Les deux sont liés intimement. Et la photographie est arrivée dans ma vie dans les années 1998-1999, à travers une ou deux rencontres fondatrices, mais on ne sait pas quand on les vit que des rencontres sont fondatrices. Et ces fondateurs, ces pionniers étaient des photographes. Ils m'ont parlé, ils m'ont fait rêver, ils m'ont prêté leur appareil photo. Et ça correspondait à un moment de ma vie où j'avais envie de quitter les livres pour aller sur le terrain, passer du virtuel au réel et vivre des expériences pleinement, parce que je trouvais que dans les livres de photographie, ceux du monde scolaire et ceux du monde universitaire, il y avait toujours les mêmes images, toujours la même iconographie. Et j'avais envie de, peut-être de façon un peu ambitieuse et en même temps un peu naïve, d'apporter de nouvelles images. Du coup, je me suis invité moi-même dans un milieu, la photographie, où je ne connaissais personne, à part ces deux ou trois personnes qui ont été les premiers relais. Et notamment une que je vais citer parce que je la cite tout le temps. Vous en faites ? C'est Rui Ronis, puisqu'à l'époque, c'était le doyen de la photographie française. Il avait plus de 90 ans déjà. Et il m'a juste sorti du panier à un moment donné. Et c'est un parrain que j'aime bien citer. Est-ce qu'il y avait déjà le numérique ? Il y avait déjà le numérique. Après, moi, je suis... là aussi, les outils, je les mélange. Donc, c'est vrai que tous mes premiers travaux photographiques étaient plutôt avec la photographie dite argentique, avec un appareil mythique qu'on appelle le Rolleiflex. Ça parlera sûrement à certains de nos auditeurs et auditrices. Un appareil avec un rapport charnel fort. Et autant cet appareil que j'ai toujours, qui est un peu en filigrane de ma vie, autant j'ai besoin de toucher les gens quand je les photographie. Autant le Rolleiflex, même quand je ne photographie pas, j'ai besoin de le toucher. J'en ai 7-8 à la maison, qui me permet d'avoir comme une famille auteur de cet outil. J'ai lu que vous associez souvent la photographie et les enregistrements sonores. Évidemment, ça m'a intéressé. Du son et de la radio. Qu'apporte le son aux images et vice-versa ? Je pense que la photographie ne peut pas tout raconter. Je pense que l'image ne peut pas tout raconter. Et du coup, surtout quand on parle de la mémoire des hommes, le son, j'ai toujours fait du son. Là aussi, de façon autodidacte, et c'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques jours, et vous étiez à l'inauguration de la résidence 1 plus 2. Voilà, moi, j'ai absolument bien aimé faire votre métier. Je suis fan de radio. Je sais qu'on est ici à Radio Campus, chez des gens qui sont fans de ce médium-là, mais c'est vrai que il y a toujours dans mes reportages, notamment en Afrique, toujours un reportage sur des radios communautaires, associatives. J'en ai toujours fait dans plein de pays. Donc c'est en fil rouge. Et dans mes travaux photographiques, le son est, pas toujours, mais très souvent, je capte de l'ambiance, parfois du récit direct. Et je stocke, et je stocke, et je stocke. Et parfois j'en ai fait des CD, travail sur Le Tirailleur et les Trois Fleuves, un grand voyage sur la francophonie porté par les anciens tirailleurs sénégalais, tous les gens photographiés, tous les paysages traversés, les trois fleuves francophones. Il y a des, comme ça, des ambiances sonores qui racontent le même voyage mais autrement. Donc que vous pouvez diffuser en même temps qu'une exposition avec vos photographies, parfois, par exemple. Parfois, exactement, parfois, ou dans un livre que j'ai pu faire il y a déjà 12 ans, le premier livre sur l'Afrique, il y avait un CD qui était dans la jaquette du livre avec des morceaux cachés. Cette idée aussi de peut-être intéresser les publics, qu'ils ne seraient pas par l'image, les intéresser par le son. Et toujours cette idée de questionner, de poser des questions ouvertes. La photographie, c'est une suite de questions ouvertes. Et moi, je n'apporte aucune réponse par l'image et ni par le son. Mais au moins, ça me plaît, cette idée de faire. Après, c'est compliqué de faire les deux. C'est compliqué de faire les deux en même temps. C'est pas forcément souhaitable. Donc, c'est l'un ou l'autre. Mais les deux jalonnent mon parcours. Oui. Vous êtes représenté à Paris, c'est toujours parisien, les agences de photographie ? très souvent, alors récemment ça a un peu évolué, c'est vrai que vous avez cité l'agence Myope, c'est une agence de photographie assez réputée, associant des photographes de Paris et de province. J'y suis rentré en 2009, je l'ai quitté en début d'année 2018, mais, et je reste par contre toujours représenté par la Galerie Polka. La Galerie Polka, c'est la... à la particularité d'associer une quinzaine de photographes. Certains sont très connus, le plus connu, par exemple, Sebastião Salgado. Donc moi, je suis un petit jeune inconnu dans ce milieu-là, mais du coup, j'arrive à côtoyer régulièrement ces hommes et ces femmes qui sont des références dans la photographie, plutôt documentaire. Et du coup, c'est d'autres familles liées à la photographie. En photographie, jacobinisme oblige, tout passe par Paris, qu'on le veuille ou non. Et alors, à l'ETPA, donc c'est l'École supérieure de photographie, oui. Vous êtes précisément, si j'en crois mes recherches, chargé des cours de sémiologie de l'image. Culture et sémiologie de l'image. Alors pourquoi ce choix théorique ? Oui, on m'a invité à le faire. C'est essayer de... Alors c'est sur la filière praticien, j'ai une petite centaine d'étudiants, je les vois demain d'ailleurs, c'est 8 heures de cours, c'est pas des cours, c'est du workshop masterclass très interactif, où par exemple on peut aborder des thématiques comme images de controverse, y a-t-il une photographie féminine, qui ne sont que des questions un peu grandiloquentes pour pouvoir discuter avec eux sur des images, être moins crédule par rapport aux images, proposer des méthodologies pour analyser des images, photographie documentaire, communication. Ce sont des étudiants qui ont déjà fait de la photo ou ils sont en Certains, oui, pas tous. Pas ils tous. Ont entre 18 et 25 ans. En gros, j'essaie de leur apporter un contexte politique, économique, de culture générale. Et le fil rouge, c'est appréhender mieux les images, parler des images des autres et aussi parler de sa propre image. Donc j'ai un côté un peu coach aussi oral, pour qu'ils puissent être à l'aise dans un discours, toujours sur le fond et la forme. Parler d'eux, et je leur dis souvent, en photographie, c'est pas tellement faire des photos qui compte, c'est être photographe, et surtout, convaincre. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'enseigner ? C'est une bonne école de modestie. C'est une bonne école de modestie parce que je les vois tous les vendredis, que ce soit en première année, en deuxième année, et je garde beaucoup de contacts avec d'anciens étudiants. Et du coup, aussi, je découvre ou je redécouvre leur tranche d'âge, les 20 ans. Et moi, j'en ai 46 maintenant. Du coup, je redécouvre des choses que j'ai oubliées, que je n'ai pas vécues. Donc, j'apprends. Et puis, j'essaie de leur transmettre aussi toute la suite d'expériences que j'ai pu avoir et que j'ai encore ici. Avec toutes ces casquettes que vous avez signalées tout à l'heure, mais aussi beaucoup sur le continent africain ou en Amérique du Sud, où je vais très souvent aussi. Pour essayer de leur faire... comprendre que la photographie n'est pas franco-française, elle est ouverte sur le monde. Il faut être assez modeste par rapport à tout ça. Le métier de photographe, il est important, mais il n'est pas non plus peut-être utile à la vie des gens de ce monde. Et il faut se rendre utile, il faut toujours essayer d'exister, d'être. Je crois plutôt au verbe être qu'au verbe avoir. Donc mes cours, pour résumer, c'est plutôt parler du être que du avoir. Est-ce que les étudiants deviennent des photographes, puisque vous restez en contact avec eux ? Pas tous. Le métier évolue, mais sur cette école qui est réputée, le TPA à Toulouse, beaucoup de gens connaissent depuis une trentaine d'années, ne fabrique et ne crée pas que des photographes. Certains le sont, le deviennent, tant mieux. Photographe de mariage, photographe reporter, photographe plus plasticien pour certains, mais aussi les nouveaux métiers, iconographe, commissaire d'exposition, médiateur, médiatrice, il y en a de plus en plus. Des gens qui abandonnent, qui viennent juste quelques années, puis qui appartiennent, ou un an, et qui voient que ce n'est pas fait pour eux, ou alors qui vont vivre une expérience et reviennent. Ça existe aussi. Donc nous, on est là avec un corps enseignant de 7-8 personnes pour la filière praticien, pour les guider, les accompagner, mais aussi les stimuler dans leur création. Alors vous avez déjà répondu en partie à cette question, mais vous encadrez des ateliers à l'étranger, enfin oui. En France aussi, à Arles. Vous allez donc dans quel pays ? Vous allez au Mali, en Amérique du Sud ? Vous l'avez compris, oui, entre le TPA, les rencontres d'Arles et des workshops, par exemple, au Mali, où je vais souvent, a priori, tout ça n'a rien à voir, mais si, en fait. Parce que finalement, c'est parler de la photographie et la faire pratiquer. À partir du moment où on y met de l'empathie et de l'envie, même si les gens ont des cultures et des outils très différents, et pouvaient imaginer qu'entre un stagiaire en contre d'Arles et une jeune femme photographe ambulante à Bamako, l'outil photographique n'est pas le même. Même si les choses changent là aussi avec la révolution numérique. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est être quelque part dans le maillon de la chaîne de la création et jouer ce rôle de transmission. J'étais professeur avant, et l'histoire-géographie, c'est aussi une forme de transmission. Donc pour moi, c'est tout ça qui est lié. Donc peu importe le lieu finalement. J'ai dit tout à l'heure que vous travaillez sur la mémoire et les constructions identitaires. Oui. Un mot là-dessus, Philippe ? Qui je suis, qui nous sommes et d'où on vient. Et moi, en tant qu'historien, je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Quand je m'intéresse à la mémoire des tirailleurs sénégalais, je m'intéresse d'abord à l'homme africain, qui il est, au-delà du fait militaire. Quand je m'intéresse aux diasporas noires en Amérique du Sud, où je vais les rencontrer du Venezuela à la Colombie, en passant par le Chili ou la Bolivie, je m'intéresse à la figure tutélaire de celle et celui qui est issu de l'esclavage espagnol. Quand je fais le tour de la mer Noire, Swimming in the Black Sea, à partir d'un vieux texte de Jules Verne, c'est aussi faire le portrait en filigrane de gens qui sont là et dans lequel je ne fais que passer dans leur vie. Donc, construction identitaire, comprendre qui ils sont, qui elles sont, ce qu'ils font, à quoi ils rêvent, et continuer le voyage. Où est-ce qu'on peut voir vos travaux, votre travail, Philippe Guyoni ? Alors, on dit souvent qu'une exposition... ça passe, donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne suis pas exposé à Toulouse. La dernière fois, c'était déjà en 2011, c'était à la très belle galerie du Château d'Eau à Toulouse, c'était Africa America, c'était toute la galerie qui était consacrée à cette série avec la sortie d'un livre. C'était 4 ans de voyage en Amérique du Sud, donc le Château d'Eau, un lieu que j'aime beaucoup. C'est déjà 2011, depuis c'est la galerie Polka qui me représente, celles et ceux qui veulent voir mes images et même acheter des tirages, puisque c'est la fonction de la galerie Polka. C'est à Paris, et puis après il y a les livres, hein. Il y a des livres de photographie que vous pouvez trouver, notamment en Ombre Blanche ou chez Terra Nova. Enfin, j'ai fait 5 ou 6 livres dans ma vie, il y en a deux qui arrivent pour là bientôt. Il y a des textes aussi ? Toujours des textes. Et vous ? Oui, moi j'aime beaucoup écrire, c'est pas forcément mes livres qui sont le réceptacle de mes textes, mais... dans chaque livre, je vais inviter un écrivain. J'ai travaillé avec Gaston Kellman, j'ai travaillé avec Jean-Christophe Ruffin, j'ai travaillé avec Kourkoff sur la mer Noire et Eric Orsenna peut-être un jour, mais aussi des gens moins connus. J'ai toujours cette idée d'inviter une sensibilité, une compétence que je n'ai pas a priori. Merci Philippe Guyoni. On se retrouve après une pause musicale pour parler de la résidence 1 plus 2. Maintenant que l'on sait tout, ou presque, de vous et de votre travail. Campus FM, on écoute une des symphonies de West Side Story, drame lyrique américain de Leonard Bernstein, s'il faut le préciser, interprété ici par Toulouse Wind Orchestra, orchestre d'harmonie composé de 80 musiciens, et ils sont en concert les 26 et 27 octobre à 20h30 à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines, place Saint-Pierre à Toulouse. Les informations et les réservations sont sur le site www.windorchestra.com. Mieux vaut penser à rien qu'une pas pensée du tout. Vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Rien c'est déjà beaucoup. Et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Guillonny, directeur de la résidence 1 plus 2 à Toulouse. Donc je répète, 1 plus 2 pour un photographe de renom et deux jeunes photographes. Trois supports, une exposition, un coffret de trois ouvrages et un documentaire. Question Philippe, pourquoi ce projet de résidence 1 plus 2 finalement ? C'est une très très bonne question. Je n'ai pas trouvé de réponse, donc je vous la pose. Non, c'est une très bonne question et je crois que j'ai continué encore à y réfléchir. Il y a plusieurs ports d'entrée possibles pour répondre à cette question. Il y a d'abord l'idée de créer enfin quelque chose ici. Je suis à Toulouse depuis 30 ans. Presque, et on m'a souvent fait la remarque, mais toi tu fais plein de choses ailleurs, Bamako, à Paris, à Caracas, mais rien à Toulouse, pourquoi ? La question s'est posée. Et puis on m'a souvent dit dans la vie, quand les trains passent, il faut savoir monter dedans. Donc il y a eu l'opportunité il y a 3-4 ans de lancer quelque chose, qui ne s'appelait pas encore Résidence 1 plus 2, mais qui pouvait associer la photographie ici à Toulouse, qui est une ville déjà beaucoup... une très grande densité d'événements photographiques, mais de créer quelque chose qui n'existait pas. Et là, c'est souvent la réponse, elle est dans sa propre histoire. C'est-à-dire que moi, je suis très souvent entre création et partage des savoirs, donc entre création, reportage, que vous voulez, et résidence artistique, j'en ai fait plusieurs. Et là, à l'aune de sa propre expérience, quand on appelle un artiste, en général, on l'invite pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, mais c'est un rapport d'une personne qui invite une autre personne. Et moi, j'ai été cet artiste invité, et je me suis très vite retrouvé seul le deuxième jour. Et pour aller au-delà de cette solitude, j'ai créé un jeu à trois. Toujours pour cette idée un peu utopique de créer une famille, de créer un groupe. Toujours cette idée de la transmission, de voir, de choisir des gens pour ce qu'ils sont, là où ils sont, et de les mettre ensemble. Toulouse est une ville de photographie, mais il n'y a pas de résidence photographique. Il n'y a jamais eu de vrai programme photographique pérenne, avec une identité forte. Il y a des initiatives, et je les salue, je les connais très très bien, et j'ai eu toujours le souci de les respecter. Mais là, quitte à innover, essayons d'innover vraiment jusqu'au bout. C'est pas un, mais trois artistes. C'est pas une résidence de territoire. Elle est thématisée, tout en étant ouverte, c'est photographie et sciences. Et ces trois supports de restitution, vous l'avez dit, une expo, un film, qui est une vraie carte blanche à un cinéaste ou un vidéaste, d'ici ou d'ailleurs, et un coffret trois lits pour une collection de Toulouse. On n'est pas là pour vendre Toulouse, on est là pour l'interroger. Et on est là pour créer du lien. Donc j'ai essayé de mettre dans ce programme qui s'appelle Résidence 1 plus 2, troisième édition, un peu tout ce que j'ai pu vivre, observer, et j'ai des années d'observation sur des blocs-notes, tout ce que j'ai pu voir ailleurs dans des programmes qui s'appelaient festival, exposition, résident d'artiste, et j'avais envie de le créer ici, et nous y sommes. Bravo. Vous avez été en résidence, vous, dans votre parcours de photographe ? Oui, j'ai fait des résidences, soit dans les Hauts-de-France, comme on dit maintenant, on disait Picardie avant, j'ai fait des résidences en Poitou-Charentes, on appelle ça Aquitaine, j'ai fait des résidences en Afrique, j'ai fait des résidences en Amérique du Sud, quand je faisais Africa-America, en partenariat avec les Alliances françaises et les instituts français. Donc j'ai cette expérience-là d'être à un moment donné, dans un laps de temps court, souvent, d'être invité à créer, et souvent j'avais un interlocuteur, une interlocutrice, qui souvent disparaissait le deuxième ou troisième jour. Et j'avais comme un manque. Donc du coup, créer une résidence classique, et j'ai beaucoup de respect pour les résidences classiques, mais ça mène, je ne l'aurais pas fait. Là, l'idée, mais c'est beaucoup plus complexe, c'est que tout est multiplié par trois. Les interlocuteurs, les doutes, les craintes, la création, les budgets, les synergies. Et une résidence, je dis souvent que c'est beaucoup plus compliqué qu'un festival, parce qu'on part de la page blanche. Vous l'avez dit, ces trois artistes, ils viennent 2 mois, et seulement 2 mois, à Toulouse, sur la métropole et au-delà quand ça a du sens, pour créer ensemble. On n'est pas à l'école, on n'est pas dans un atelier, on réfléchit ensemble autour de quelque chose qui fait sens pour les trois, mais après ils font ce qu'ils veulent, tant qu'ils vont vers les autres. Et les autres, c'est les scientifiques, c'est ceux qui ont une expertise sûre, que ce soit la la pharmacie, que ce soit l'archéologie, que ce soit le spatial, que ce soit la psychomagie, la psychogénéalogie, les neurosciences, comme cette année. Je leur impose juste ça, c'est ne pas rester autistes sur leur territoire, mais d'être, qu'ils ne connaissent pas, pour la plupart, mais d'être dans l'obligation d'aller vers pour échanger, interagir et éventuellement coproduire. Donc ce sont eux qui doivent aller vers les chercheurs ? Alors on les accompagne, bien évidemment. On a la première édition, j'ai commencé tout seul, à la fois parce qu'il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas d'artiste et pas de partenaire. Maintenant, c'est pas que c'est plus facile, mais on a un historique, une expérience, on a une équipe qui se structure, qui évolue, on a quelqu'un qui nous représente à Paris, pour les médias, c'est un partenariat, et puis on a de plus en plus d'institutions, d'associations qui nous font confiance, et puis les artistes, ceux qu'on choisit ou ceux qu'on choisit, on joue le jeu, c'est une résidence exigeante. J'ai bien conscience que c'est une résidence exigeante. C'est le témoignage de ceux qui l'ont vécu, qui l'ont bien vécu. Certains y ont laissé aussi des plumes physiques, morales, parce qu'elle est épuisante, dans le sens où elle est longue. À partir du moment où j'invite quelqu'un, on est parti pour un an de vie commune. 2 mois de temps fort à Toulouse, donc l'année prochaine, ça sera mars-avril 2019, où 3 nouveaux artistes, on vient de les choisir. Vous avez un lieu ? Alors, on a un lieu de vie. Oui. Un lieu de vie. L'idée, je ne l'ai pas dit, c'est important, on les invite, mais ils vivent ensemble. Cette résidence, idée de la famille, ouais. Voilà, ils vivent ensemble. Ils ont un appartement. Pendant deux mois, un appartement, une maison. Et voilà, l'idée de faire la vaisselle, de faire les courses, de parler photo, de préparer les repas. Tous les vendredis, ils invitent deux scientifiques, c'est les artistes qui cuisinent pour les scientifiques. Ils créent du lien. Joël Collado est venu, Jean-François Clairvoix, Sylvestre Maurice, des astrophysiciens, des astrologues, des météorologistes et d'autres personnes moins connues, Santiago Mendieta sur les Pyrénées, sont venus simplement les rencontrer, l'hôtelière, je pourrais en citer beaucoup, qui sont souvent des gens initialement de mon propre réseau, construits à l'université, construits dans différentes opérations à Toulouse ou ailleurs. Et maintenant, avec le fait qu'on est un petit peu repéré, on peut se permettre d'aller inviter des gens à venir à notre rencontre et à leur rencontre, tout simplement. Moi, je ne suis qu'un rôle de passeur, avec cette casquette de directeur et directeur artistique, c'est-à-dire à la fois créer du sens sur le territoire, rendre les choses possibles et essayer de développer un Made in Toulouse, mais ouvert sur le monde. Ça, c'est pour moi, c'est très important. Vous parlez de la photographie et des sciences comme dialogue pour s'engager. Oui. C'est assez militant. C'est militant, parce qu'on oppose tellement les gens, on oppose tellement les disciplines, on cloisonne tellement. C'est aussi une façon de les définir et d'en parler, parfois. Exactement. Et je crois que le maître mot de la résidence 1 plus 2, c'est pas le 1, c'est pas le 2, c'est le plus. Alors on va me dire, oui, c'est utopiste, tu manies de grands mots, etc. Mais oui, mais on le fait. On le fait vraiment, on crée du sens à tous les étages. S'il n'y avait que des artistes entre eux, ça ne m'intéresserait pas. Franchement, ça ne m'intéresserait pas. Au-delà de leur qualité intrinsèque, ça ne m'intéresserait pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir. Et là, j'ai vu au vernissage, à la Galerie Barrès, vendredi. J'ai vu au colloque aux abattoirs, tout samedi, ces croisements de gens qui se découvrent. Quand les gens arrivent, il y a déjà un bon quart d'heure, tout le monde se présente. Et je vois que finalement, le seul qu'ils connaissent un peu, c'est moi. Parce que j'ai créé le lien. Ou les artistes, parce qu'ils les ont rencontrés. Et ça, c'est mon petit plaisir personnel. Et chaque année, on va de plus en plus loin, de plus en plus fort. Et je sais qu'à Toulouse, c'est compliqué parfois d'aller au-delà de la famille auquel on appartient. Mais ça a du sens. Et à Toulouse, pourquoi les sciences ? Ben, c'est une évidence. C'est une évidence. Et moi, je ne suis pas scientifique, je suis littéraire. Mais c'est évident que... Cette année, encore plus. Encore plus cette année. Mais toutes les sciences, hein. Encore une fois, j'insiste, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences molles, les sciences dures, comme disent les Américains. Encore une fois, c'est juste un prétexte. La résidence en plus 2, c'est qu'un prétexte à créer du lien. Mais on construit. On construit de l'image. Et ça, pour moi, c'est très important. Vous parlez de la photographie et des sciences. Je me suis demandé pourquoi l'un le pluriel et l'autre le singulier. Oui, on aurait pu mettre le pluriel aussi sur photographie, puisque toutes les photographies sont concernées. La photographie documentaire, la photographie plasticienne et d'autres. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les qualificatifs. Donc du coup, le singulier, il est peut-être sur la photographie en tant que telle, comme un médium généraliste, et peu importe la forme. Et on a gardé le pluriel à science, on aurait pu mettre le singulier là aussi. Donc bon, un mythe, peu importe cette idée de départ. Mais encore une fois, pour le dire autrement, et c'est pas moi qui le dis, c'est les retours que l'on a, on est le seul programme en France qui associe photographie et science systématiquement, annuellement. Et on va rester là-dessus, bien évidemment. Alors, on va parler du travail de Smith, qui est l'artiste 1, on va dire, oui, la plus connue, qui travaille depuis 2007 sur un projet qui s'appelle Désidération, oui, avec l'astrophysicien Jean-Philippe Huzan. Alors, tous les deux se posent la question, je cite, « Comment peut-on définir, observer et nous approprier la dimension cosmique de notre géanalogie ?» Vaste question. Smith aime développer une poétique de la métamorphose en explorant notamment les figures transgenres du fantôme. On l'écoute parler de son travail, de sa technique, de ses influences lors d'un entretien avec Michel Poivert, historien d'art et spécialiste de l'histoire de la photographie. C'était en février 2016 dans l'auditorium de la Maison du Geste et de l'Image à Paris. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui suis passionné par la technique, mais pourtant c'est vrai que j'utilise énormément de techniques différentes. Mais chaque outil, chaque choix technique m'intéresse en ce qu'il a pour moi d'archi spécifique, de ce que je peux en faire qu'aucun autre outil me permettra finalement d'atteindre. En photographie, par exemple, je suis très obsessionnelle. J'utilise toujours les mêmes deux ou trois appareils avec toujours les mêmes pellicules et toujours dans le même type de lumière. C'est-à-dire la spécificité absolue que j'ai atteint avec cette espèce de mélange pour obtenir la photographie que je veux. Pour moi, la photographie, c'est ça. Techniquement, je suis jamais allée chercher plus loin. Quand j'utilise une caméra thermique, comme donc dans le projet spectrographie, c'est parce que cet outil me permet de montrer des traces. Donc, cet outil peut servir à des milliards de choses, à fabriquer des, à aider les constructeurs de robotique à pas faire de court-circuit, à regarder si quelqu'un est malade dans un aéroport, à détecter un cancer. Enfin, j'en sais rien. Moi, il m'intéresse spécifiquement parce qu'il me permet de voir les fantômes. Enfin voilà, à chaque fois, il y a un usage assez précis d'outils qui sont toujours plutôt des outils utilisés pour tout à fait autre chose. Ben, en fait, je pense que j'ai pris conscience avec peut-être plus tôt même avec déjà la photographie. Moi, c'est vrai que les installations qui m'ont marqué, qui m'ont plu et qui sont celles que que j'ai en tête lorsque je travaille, c'est Joseph Beuys, Matthew Barney, enfin des gens dont lorsqu'on est plongé dans leur travail, on est plongé quelque part déjà dans leur tête. C'est-à-dire qu'on est dans un espace qui lui-même résonne différemment de notre espace mental à nous et dans lequel on est plongé d'une manière totale. Je pense à l'installation, le piano muet comme ça à Beaubourg qui est pour moi l'œuvre la plus puissante de la Terre. Et une fois qu'on est à l'intérieur, il faut quelques instants, même pas, c'est instantané, on se retrouve plongé ailleurs. On est dans un autre endroit, on est dans un endroit qu'on connaît, la galerie par exemple, mais d'un seul coup on est ailleurs. Et donc du coup la prise en compte vraiment du corps du spectateur, c'est-à-dire de ses perceptions, de ses sensations, de son sentiment d'inclusion et de participation à l'œuvre. C'est peut-être pas encore tout à fait au point, mais mon intention, c'est ça, c'est de l'inclure littéralement, d'inclure sa propre expérience dans la construction même de l'espace, de l'installation, etc. Donc, mais je pense qu'on peut aller vraiment très très loin avec les outils technologiques pour plonger sans artifice, sans forcément demander aux gens de mettre des prothèses, de mettre des lunettes 3D, de mettre un casque, des choses comme ça. Essayer simplement par la scénographie, par les déplacements, par ce qui va les entourer, de les rendre présents et de les rendre participants en fait à ce qu'ils regardent. Pourquoi le choix de Smith, Philippe Guillaume? Ben, vous l'avez entendu, Smith, c'est du haut niveau, c'est brillant, c'est dense, c'est imagé, c'est parfois difficile à suivre aussi, donc c'est bien aussi parfois de ne pas comprendre tout ce qu'un artiste nous propose et de faire la part du chemin. Smith, je l'avais invité il y a déjà plus de 2 ans en lui disant, bon voilà, je te réserve quelque part pour l'édition 2018 de la résidence 1 plus 2. Et j'avais envie de... Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi Smith? Tout simplement parce que, comme chaque année, dans la position du 1, je ne prends que des artistes, photographes, tantôt c'est plutôt l'un, tantôt c'est plutôt l'autre, qui ne sont jamais venus à Toulouse. Ils sont neufs sur le territoire. Avec cette idée du tout est possible. La première année, Diana Lui, artiste malaisienne, très connue en Asie, méconnue en France, jamais venue à Toulouse, me disait, mais en arrivant à l'aéroport, il n'y a pas d'horizon ici, c'est pour ça que les gens regardent les étoiles depuis des siècles. Et boum, ça fait sens, elle travaille sur les étoiles à Jolimont. Smith ne m'a pas proposé une phrase comme ça, mais ça me fait plaisir de l'écouter, parce qu'elle a toujours le superlatif qui fait sens, où elle parle de la beauté de la Terre, etc., alors qu'elle passe son temps à regarder le cosmos et les étoiles. Et ce qu'elle a fait avec nous, c'était ça, c'est-à-dire qu'elle a travaillé avec l'IRAP, la Cité de l'Espace, avec les plus grands astrophysiciens, notamment Jean-François Carrois, notre parrain 2018, mais aussi Sylvestre Maurice, qui est quand même Monsieur Mars dans le monde entier, qu'on le veuille ou non, et qui est ici à Toulouse. Et avec eux, elle a nourri un dialogue autour d'un voyage qu'elle a inventé, qui s'appelle Astroblème Opéra. Elle a construit un corpus où elle mélange photographie, capture d'écran, capture vidéo. Toujours pareil, en mélangeant les genres, en mélangeant les médiums, en mélangeant les styles. Et elle explique très bien pour définir la première étape d'une nouvelle étape de sa propre vie artistique. Ça s'appelle Astroblème. Et c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Monsieur H, qu'elle fait évoluer dans différents lieux de Toulouse et des environs, qui sont à peine reconnaissables tant elle a cette capacité à malaxer le support à travers, vous voyez, ces images sont toujours un peu diaphanes, un peu laiteuses, on ne sait plus trop où on est. On a choisi cette main comme photographie dite de référence de l'édition 2018, une main cosmique qui invite, c'est une invitation au voyage sur un grand fond noir qui est sûrement celle du ciel. Il faut la prendre comme ça, Smith. C'est une artiste très dense, très protéiforme, qui peut passer dans la même seconde de la philosophie à l'astrophysique, de la photographie au cinéma. C'est tout ça à la fois. Et ce à la fois, nous avons essayé, nous l'avons invité à Toulouse pour faire sens. Ça ne doit pas être évident de trouver des photographes professionnels disponibles 2 mois dans l'année. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Qui ont un lien avec la science. C'est très compliqué. Il y en a beaucoup. Et puis elle, Smith, c'était évident que le lien était déjà établi entre photographie, art visuel et science. Pour d'autres, c'est moi qui vais aller peut-être leur montrer qu'ils auraient intérêt à expérimenter ceci. On verra dans l'avenir. Mais en tout cas, un artiste, c'est être à la fois à mi-chemin d'un questionnement personnel. Ce qu'on va leur faire à Toulouse a du sens par rapport à leur démarche personnelle. Et en même temps, ça a du sens, à un moment, sur les enjeux d'un territoire qui s'interroge au prix. Aussi sur sa propre identité et quelle est la place de la science à Toulouse. Smith a donné à voir aussi des choses là-dessus. Il y a énormément de collages, y compris sur les murs, là, dans l'exposition, des fragments de lettres, de journaux, des cahiers, autant dans le travail de Camille Carbonara, qui s'appelle Appelez-moi Victoria, que du travail de Prunfi, qui s'appelle Appel manqué. Oui. C'est vraiment pas que de la photo. Non, et surtout pas. Toujours cette idée de mélanger, mais pas mélanger pour faire conceptuel, pas mélanger pour faire genre, pas mélanger pour répondre au canon de la mode, de quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Le fil rouge de l'édition 2018, c'est l'origine manquante. C'est pas mon idée, c'est leur idée. Leur idée qui est arrivée de façon empirique, et j'adore ça, au fil de leur longue discussion dans la fameuse maison commune, 1+2, l'origine manquante. Bon, moi, je le savais qu'elles avaient ça en commun, mais j'aurais laissé la capacité à théoriser. Cette idée de se poser la question qui je suis, d'où je viens, et 3 réponses plastiques à la même question initiale. Smith, nous venons des étoiles du cosmos, et elle y répond. Camille Carbonaro, par rapport à ses origines italiennes qu'elle ne connaît pas, à mi-chemin entre photographie, écriture, fanzines, c'est-à-dire des livres qu'on fait par soi-même, mélanger des images d'archives, de fictionnelles qui ne sont pas des images de sa propre famille avec des images de sa famille, elle redéfinit les contours d'une mémoire qu'elle n'a pas, puisque rien, tout s'est perdu de l'immigration italienne. Avec l'aide d'une scientifique qui a été une psychomagicienne, elle a pratiquer des rituels pour acquérir de l'expérience. Donc là, c'est d'optique de science, une optique d'artiste, et qui fait sens. Et toujours pour terminer ce trio, l'origine manquante, Prunfi, Carcassonne, de ses origines, mais en fait d'origine vietnamienne, une partie de sa famille aux États-Unis, l'autre ici. Comment peut-être remettre des pièces du puzzle ensemble? Et elle, sa surface de réflexion, sa surface sensible plastique, c'est le collage. C'est le tissu, c'est surtout le collage est associé avec la couleur rouge omniprésente que les neurologues ont identifié comme la couleur aussi des souvenirs et des faux souvenirs, en tout cas de la mémoire, nous a proposé un autre voyage, donc 3 voyages différents à partir de la même question initiale. Voilà le lien qui fait sens pour moi sur une édition. Et c'est mon rôle de directeur artistique d'inviter, parce qu'elles ont ça en commun, Mais le, vous avez dit le thème, c'est elles qui l'ont amené. C'est arrivé ensemble, c'est-à-dire ouais. quand on est arrivé à Toulouse, bon, je me rappelle, on était sur le mot corpus comme point de départ. Le corpus, c'est quoi ? C'est un ensemble de choses. On l'a, l'ensemble de choses. Simplement, c'est ça, elles se connaissaient à peine. Hein. Donc, le fruit de la discussion, de leur discussion, et avec moi aussi, fait qu'un jour, je me rappelle très bien quel moment, ce mot d'origine manquante est apparu, et je trouvais que c'était très beau comme titre. Alors, quelle place, Smith m'en a parlé, j'aimais bien dans cet extrait, peut prendre le visiteur, justement, dans ce travail-là, face à la photographie ? À l'exposition qu'on propose à la galerie Barès, donc c'est un place Sainte-Scarpe jusqu'au 30 novembre, il y a trois salles. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce lieu. Trois salles, et nous avons trois artistes, ça tombe bien. Smith, elle est côté rue, c'est normal, c'est le 1. C'est une invitation déjà dans un premier type d'imaginaire. On est dans les étoiles, on est dans le spatial. Il y a des photographies qui demandent un peu de concentration, un peu d'imaginaire, un peu de s'abandonner à. Et donc ça demande un effort aussi. Il y a des petits formats, des grands formats, une très belle scénographie que Smith nous a proposée. Et puis la salle 2, c'est Carbonaro. La salle 3, c'est Fille. Les formes changent, la narration change, la façon de proposer des formats change, l'histoire n'est pas la même. Trois pièces, trois artistes, et on s'enfonce. On s'enfonce dans la galerie. C'est vrai, oui. Et cette circulation des idées et des formes a très bien fonctionné au vernissage. Je l'ai vu, on me l'a dit, je l'avais pressenti. Il y a un aller et il y a aussi le retour de Prunefille à Smith. Donc la circulation, c'est pas l'un et l'autre, c'est les trois ensemble qui font sens. Il y avait beaucoup de monde au vernissage. Il y avait à peu près 450 personnes au vernissage. Alors vous en avez parlé aussi, vous avez invité l'artiste américain Noé Cuellar, dit Nestor, à réaliser un documentaire fiction, ça s'appelle 1 plus 2 égale 4, sur les différentes trajectoires des recherches respectives de ces trois photographes. C'est un documentaire qui a été réalisé pendant la résidence. Je cherche en eux quelque chose de cette culture, un indice, un fragment, une image manquante. Ne serait pas juste lié aux conséquences des secrets de ma famille, qui amputent mes pensées, qui amputent mes émotions. Pourquoi aimer ces sifflements et ces détonations affreuses qui président à ta naissance et à tes sœurs mortenées? Pourquoi aimer ces sifflements et ces détonations affreuses qui président à ta naissance et à tes sœurs mortenées? Alors c'est un documentaire qu'on peut voir mardi prochain à la Cinémathèque de Toulouse à 19h. Il dure 26 minutes. Vous serez là pour le présenter, Philippe Guillaume. Oui, alors chaque année, là aussi, vous avez compris, trois artistes. Mais je voulais cette idée que les trois supports que nous proposons chaque année racontent la même histoire, mais différemment. Et pour moi, un film, un livre, trois livres et une exposition racontent l'histoire différemment. Nestor est un vidéaste, cinéaste américain, originaire de Chicago, que Smith nous a proposé. J'ai accepté cette proposition parce qu'il a eu cette capacité de tout faire. Filmer, monter, faire la musique et proposer un vrai docu de création. C'est une carte blanche donnée à, l'an dernier c'était Clémentine Carrier, formée à l'ENSAV, donc de Toulouse. Cette année on allait le chercher un petit peu plus loin, Nestor, mais c'est un vrai documentaire de création dans le sens où... passé la discussion initiale, moi j'interviens quasiment plus, surtout si tout va bien. Et là, tout a roulé tout seul. C'est très beau. Moi, je l'ai revu tout à l'heure. Je trouve ce film magnifique. On va le présenter à plusieurs festivals de courts-métrages parce qu'il y a une audace plastique, sonore. C'est pas du making-of. C'est surtout pas un film de com. Il n'y a rien à vendre. Et moi, je n'apparais nulle part. Et jamais il a été l'idée que j'apparaisse. Mais ce sont les trois artistes, et même c'est même plus les trois artistes. C'est le regard de Nestor sur sa propre origine manquante. Parce que lui aussi, il est américain, d'origine mexicaine. Entre nous, pendant deux mois, on parle espagnol. Donc c'est une vraie plus-value. C'est comme un 1 plus 2 plus 1, quelque part. Égal 4. Égal peut-être 4. Et le titre du film, c'est 1 plus 2 égal 4. Parce qu'il a très bien compris que Nestor, quand on met trois personnes ensemble dans un même appartement pendant deux mois, l'addition mathématique, elle n'est pas juste. Il se passe quelque chose qui est un peu du domaine de l'invisible. il y a l'addition de chaque personne et puis il y a ce qui se passe entre eux qui fait, voilà, qui fait sens. Mais alors concrètement, je suis demandé vraiment concrètement, comment vous faites pour avoir des gens en résidence? Après, ça finit en exposition, en ouvrage, en livre, en vidéo. Il faut avoir le temps de le faire. Le calendrier doit être extrêmement serré. Vous voulez que je vous montre ma double page de la semaine dernière? Je crois que les archéologues... mon équipe me chambre beaucoup par rapport à ça, puisque je suis vraiment de la génération du papier. J'ai un agenda, je pense que des archéologues, quand ils trouveront ce document, peut-être dans 200, 300 ans, ils se diront, mais qu'est-ce que ce monsieur avait comme métier? Est-ce bien sérieux tout ça? Et je parle du film aussi, parce que chaque année on le fait avec eux, et c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Je suis un fan de la Cinémathèque de Toulouse, en tant que lieu et en tant qu'ambiance et en tant que programmation. Et là, chaque année depuis le début, et encore plus cette année, parce que ce film a une nature propre et intrinsèque, on va le projeter, vous l'avez dit, à la Cinémathèque. Ce qui permet de toucher d'autres publics, qui n'est pas forcément peut-être sensible aux arts visuels, qui n'est pas forcément sensible aux sciences, qui va être sensible au cinéma. Et justement, la résidence 1 plus 2 génère aussi du cinéma. Et pour moi... l'addition des trois fait qu'on va parler de la photo et des sciences, et on parle aussi dans notre territoire toulousain à des publics très très très variés. Et puis un film, c'est comme un livre, un film, ça voyage. Vous l'avez évoqué, il y a eu un colloque, donc c'était samedi, donc toute la journée, gros colloque, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'artistes, des tables rondes toute la journée. Oui, très empirique, pas de contribution savante. Je crois que le seul discours liminaire écrit, c'était le mien. Et encore, j'ai beaucoup improvisé. Fatigue oblige. Mais je veux que les gens... Ça, c'est pour moi, j'y tiens beaucoup. Je veux que les gens comprennent qui a fait quoi. Quel est le sens des mots? Comment les mots n'ont pas forcément le même sens pour un artiste, un scientifique? Comment Jean-François Clairvoy a discuté avec Smith? Comment Camille Carbonaro a discuté avec Caroline Lemonnier, psychogénéalogiste? Comment Prunfi a discuté avec Simon Thorpe ou Alexandra Séverac-Coquille, neurologue? Voilà, pour que moi aussi je devienne spectateur, pour créer du lien, encore une fois. Et ce qui me plaît beaucoup dans la résidence 1 plus 2, et tout ça en toute objectivité et à distance, c'est que je vois beaucoup de gens, quand on crée des événements, que je ne connais pas. C'est un projet, bien sûr, de photographie. Le milieu photo est bien sûr invité à être présent, mais ça, on va largement au-delà. Et ça, ça me plaît beaucoup. Vous avez déjà lancé l'appel à projet pour l'année prochaine? Alors, non seulement on l'a lancé... Il est fini. Et puis, vendredi, c'était le vernissage. Samedi dernier, le 13 octobre, c'était le colloque aux abattoirs, qui est enregistré. L'année prochaine, on sortira un livre du cumul de tous les colloques enregistrés pour laisser une trace et revenir sur ces événements successifs. Dimanche, nous avons réuni, avec un beau jury qui associe autant de gens des sciences que de la culture, nous avons fait passer des entretiens de 45 minutes à 4 jeunes... artistes issus de plusieurs pays européens, et nous en avons gardé 2, et ces 2 seront constitutifs de l'équipe que nous annoncerons dans 15 jours, où donc les 3 artistes 2019 ont été choisis, et on commence tout juste leur synergie avec les uns et les autres. Et ce qui me plaît, c'est que là, du coup, bien sûr, je suis toujours dans le aller vers pour aller chercher des compétences, chercher des savoirs, mais là, pour la première fois, on vient vers nous. Et là, ces jours-ci, on vient beaucoup vers nous. Quand je dis vers nous, c'est des scientifiques, c'est des laboratoires de recherche, c'est des associations, c'est des gens qui me disent, mais moi, je sais des choses sur ça. Vous voulez pas travailler sur l'archéologie? Vous voulez pas travailler sur... Vous voulez pas faire une résidence d'artiste au Pic de Midi du Bigorre? Ça tombe bien, on va en faire une l'année prochaine. Voilà, et ça me plaît beaucoup. On peut dire le nom de... Non, du 1. Pas encore. Du 1. Je l'ai vu. Ah ben, je dirais pas. Non, secret. Non, je laisse le... On va l'annoncer publiquement à Paris, puisque vous parlez de Paris, dans 15 jours. Et surtout, je veux encore travailler les sujets des uns et des autres. Merci beaucoup, Philippe Guilloni, d'être venu faire un tour dans Rien à voir quoi que. Alors, je rappelle donc l'exposition de Smith, Camille et Prune dans le cadre de la résidence 1 plus 2 est à découvrir jusqu'au 30 novembre. À la galerie Barrès-Rivet de 14h30 à 19h, et on peut y trouver le coffret. Oui. L'origine manquante, qui doit être disponible aussi à la librairie. Dans toutes les bonnes librairies, c'est un très très très beau coffret. Parisienne. Il fait 25€, je crois, de mémoire. Il est très beau, ouais. Très beau coffret, 3 livres. Dont le premier livre de Prunfi et le premier livre de Camille Carbonaro. Cette idée d'être là le premier jour. Toutes les informations sont sur votre site www.1plus2.fr, 1 en chiffres, plus en lettres et 2 en chiffres. Rien à voir, quoique, on écoute un morceau de jazz interprété par Michel Hendrix. Le morceau s'appelle How High the Moon. Et sur Campus FM, on écoute How High the Moon, interprété par Michel Hendrix sur son dernier album A Little Bit of Ella, Now and Then, sorti en 2016, un hommage évidemment à la First Lady of Song, Ella Fitzgerald. Et Michel Hendrix est en concert ce soir au pavillon République dans la cour du conseil départemental, un boulevard de la Marquette. En fait, ça a commencé à 18h30 ce soir, donc si vous êtes dans le coin, arrêtez-vous. C'est dans le cadre du festival Jazz sur son 31. Les places sont à 5 euros et demain, vendredi 19 octobre, Michel Hendrix est à Saint-Gaudens. Alors c'est un peu loin, mais elle organise une masterclass, c'est gratuit, à l'auditorium de la médiathèque et du conservatoire Guy Lafitte à 18h. Allez-y, allons-y. Et il est temps à présent de retrouver Nina et sa chronique Perception, que j'ai mis au pluriel entre parenthèses, un peu comme les sciences, la science, les photographies. Bonsoir Nina. Bonsoir. Alors, Perception, c'est du psychosocial. C'est ça. Donc aujourd'hui, pour cette seconde chronique de... Aujourd'hui, pour cette seconde chronique de psychosocial, j'ai décidé de vous parler d'un biais perceptif, puisque c'est un peu mon credo, hein. Bon, j'avais déjà défini ce qu'était un biais perceptif la dernière fois, mais bon, mieux vaut deux fois qu'une. Un biais perceptif, en gros, c'est un mécanisme de pensée dont on n'a pas conscience, mais qui pourtant a une influence sur la manière dont on voit le monde. Et je vais aujourd'hui vous parler de l'effet de halo, qui, comme tout un tas d'autres biais d'ailleurs, se retrouve dans notre vie de tous les jours. Par exemple, avez-vous déjà eu un ou une prof au physique avantageux, dirons-nous ? Sinon, eh bien, tant pis pour vous, hein, ça arrive. Mais si vous avez effectivement eu cette chance, je pense pouvoir dire sans trop m'avancer que vous avez bizarrement trouvé son cours ultra intéressant. Mais alors vraiment ultra intéressant, quoi, genre « Waouh, elle est vraiment passionnante la thèse sur l'identité sociale d'Henri Tachfel ». Oui, et puis au passage, je prépare le terrain parce que figurez-vous qu'on parlera effectivement de la thèse de l'identité sociale très prochainement. Youhou ! Merci de nous prévenir. C'est ça. Mais bon, moi, je ne suis pas cette prof au physique avantageux. Et quand bien même je le serai, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué qu'ils écoutent la radio et que par conséquent, ils ne me voient pas. Ce qui implique donc que mon apparence physique ne peut pas avoir d'incidence sur votre appréciation de mon discours. Par contre, vous m'entendez. Et vous avez donc le droit, même si c'est pas très sympa, de ne pas me trouver marrante, ni intéressante, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Et dans ce cas, il y a de fortes chances pour que vous m'imaginiez comme étant très moche et comme étant une personne qui ne sait absolument pas articuler ce soir. Est-ce que donc vous voyez où je veux en venir ? Eh bien là où je veux en venir, hein, pour les moins perspicaces cette fois, c'est que l'on a vite fait d'attribuer un trait négatif à quelqu'un à qui on en aurait déjà attribué un avant. Et inversement, hein, on attribuera assez facilement un nouveau trait positif à quelqu'un à qui on en avait déjà trouvé un. Donc à qui déjà on avait trouvé une qualité auparavant. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous ne me trouvez pas drôle, vous pourriez également croire que je suis totalement égoïste, bête à manger du foin, et puis radine, hein, parce que bah, pourquoi pas ? Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a pourtant aucun rapport entre mon cruel manque d'humour et tous mes autres défauts, tels que ma laideur extrême, par exemple. Et pourtant, si vous m'aviez trouvé drôle. Ah, si seulement vous m'aviez trouvé drôle. Mais vous n'êtes que des hommes et des femmes qui, comme moi, sont manipulés par leur propre cerveau. On généralise, parce que oui, bah, il est comme ça le cerveau. Il n'est pas là pour passer par quatre chemins. Son boulot à lui, c'est d'être efficace. Et du coup, ben, il s'embarrasse pas trop du superflu, on va dire. Et dans son souci de productivité, c'est un peu du vite fait bien fait, quoi. Il a vite tendance à se dire que l'habit fait le moine, que la première impression est la bonne, et tout un tas d'autres proverbes désuets. Sauf que ça, c'est pas bien. Et des fois, c'est même très grave. Parce que ça donne lieu à toutes sortes de discriminations. Comme lors d'un entretien d'embauche où vous risquez d'être jugé incompétent si vous êtes perçu comme introverti. Ou encore, il se peut que vous soyez sous-noté à votre prochain oral si l'examinateur préfère les brunes. Si, si, je vous jure. Une expérience de Landy et Seagal qui s'appelle Beauty is Talent, on n'est pas dans la merde, a montré que si on donnait à un groupe de profs une pile de copies à corriger et à un autre groupe de profs les mêmes copies avec cette fois la photo des étudiants, bah les gens au physique désagréable gagnent pas au change, bizarrement. Donc c'est quand même chaud, hein, et encore si c'était que ça. Parce que l'effet de halo, c'est dans le genre toujours plus loin, hein. On va jusqu'à trouver des défauts à quelqu'un juste parce qu'il fait partie d'un groupe qu'on n'aime pas. Et vice versa, on va se mettre à détester tout un groupe de personnes juste parce qu'il y a un de ses membres qu'on peut pas blairer. Du genre tuer profondément tous les rugbyman de la Terre juste parce qu'un jour il y en a un avec qui tu t'es embrouillé. Bon, là, c'est l'affect qui entre en jeu, mais ça peut même prendre d'autres formes. La manière dont on voit l'autre peut aussi venir de ce que pense notre entourage, des situations auxquelles on a le plus souvent été confrontés, de nos préjugés. Mais surtout, ce qui fait la pluie et le beau temps dans notre expérience de la vie, bah, c'est notre cerveau. Ah, le cerveau. Lui qui n'a que faire du politiquement correct. Lui qui est malmené jour après jour par la complexité du monde. Lui qui croule sous le nombre incalculable de données qu'il a à traiter. Eh bien, il n'est pas parfait. Et il s'autorise parfois quelques écarts, comme vous avez pu le constater. Mais bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais peut-être vous laisser digérer ça pour commencer, hein. On en reparle un de ces quatre pour mon plus grand plaisir. Pour ce qui est du vôtre, ça reste encore à prouver. Merci Nina, on se retrouve dans un mois. Je ne vais pas demander à Fibioni de réagir parce qu'on n'a pas le temps, c'est dommage. J'étais partie là, en voyage moi. Sur le cerveau, vous avez des trucs sûrement à nous raconter. Alors rien à voir, quoique je vous invite, chers auditeurs, à profiter des derniers jours du printemps de septembre. Festival gratuit dédié à la création contemporaine sous toutes ses formes, aussi divers que le monde. Mes préférences à moi vont à l'installation filmique, musicale et textile du plasticien belge Vincent Mussine, projetée non-stop au musée Saint-Raymond, une partition visuelle et polyphonique ultramarine, une installation que j'adore, envoûtante, un poème visuel sur le blues de l'exil en passant par le bleu du pastel. Je vous invite aussi à aller au Théâtre Garonne pour une autre installation vidéo, celle de l'artiste irlandais Gérard Byrne, In Our Time. Et si on a le temps, on va écouter un son. Alrighty, what's your name, please? Here, noted. Alrighty, four names from Central tonight. Not from Central, one from Northboro, Mike. Alrighty, what's your name, please? Lori Goodwin. Who's your new boyfriend, Lori? You can tell me. Nah. I won't tell anybody. Come on, tell us. Yeah, you won't tell anybody. Okay. No. Dedicate for us. Okay, to Betsy in the Sky, Jimmy Kennedy, WHW Good Guys, everybody. Okay, dear, okay. Good night, sweetheart. Bye. C'est un présentateur qui travaille dans un studio de radio et qui joue des chansons pop et qui parle à ses auditeurs. Et la caméra s'attarde sur des détails de l'époque qui composent la méticuleuse mise en scène, les cassettes et vinyles, microphone. Et j'ai un peu pensé au bureau de François, notre réalisateur technique. Le printemps de septembre, c'est jusqu'à dimanche. Toutes les infos sont sur le site www.printempsdeseptembre.com. Je voulais aussi vous inviter au cap de fin de la semaine de l'étude étudiants, qui se termine samedi avec une soirée organisée par l'association L'Agité à la salle Le Cap à partir de 20h30 avec Ed Solo and Decline, Tambour Battant et Nixie, et c'est gratuit pour les étudiants. Et Nina, t'avais un spectacle aussi, non, un concert. Un concert. Ah oui, alors, bah oui, samedi, attendez, on a failli l'oublier quand même. Samedi aussi, chez la Baronne, à Buzet-sur-Tarn, c'est donc à 25 km de Toulouse environ, ne manquez pas la soirée MILF, aka Music I Love Funky. C'est sa première édition avec des sons funk, disco, groove, house. Les préventes sont à 10€ sur Youplan. Sur place, c'est 12€. Il est maintenant l'heure de se quitter. Un grand merci à notre invité Philippe Guillonni. Merci à vous. Directeur de la résidence 1 plus 2. Merci Nina, merci François. Je me dépêche, chers auditeurs, vous pouvez retrouver le replay de cette émission et toutes les émissions sur le Mixcloud de Campus FM. Je vous laisse en compagnie de Malcolm Mick, que je ne vois pas encore. Il est caché, Malcolm Mick. Pour une nouvelle émission New Soul Food. Très belle soirée sur les ondes de Campus FM.